إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours numéro 38 dans la lecture du livre Umdatul Ahkam avec le sharh de Sheikh Al-Bassam dans son livre Taysir Al-Allam. On est arrivé aujourd'hui au hadith numéro 80 dans les hadiths au sujet de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bab sifatu salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le chapitre au sujet de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, ce hadith, c'est le deuxième hadith qu'on va lire dans ce chapitre. Et c'est le hadith qui est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Ici, dans ce hadith, Aïcha radiallahu anha, elle décrit l'exemple de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ouvrait sa prière ou débutait sa prière par le takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar. Et Allahu Akbar, ça signifie que Allah est plus grand que tout. Allah est plus grand que tout. Hein? Parfois vous lisez dans les médias, les koufars, ils traduisent Allahu Akbar, ou bien ils mentionnent le fait de dire Allahu Akbar, ils pensent que c'est une parole de terrorisme ou je sais pas quoi, Allah al-Musta'an. Alors que ça n'a pas rapport avec le terrorisme, puisque c'est parmi les paroles de glorification d'Allah que les musulmans mentionnent dans chaque mouvement qu'ils font durant leur prière qu'ils font 5 fois par jour. Et donc on fait le takbir au moins minimum une 15aine ou une 20aine de fois dans chaque prière, ou même plus. Donc le takbir, c'est quelque chose qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus grand. Hein? Il est le plus grand. Donc, c'est pas Allah est grand, comme parfois certains qui le traduisent en disant que Allahu Akbar, ça veut dire Allah est grand. Allah, il n'est pas seulement grand. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus grand. Hein? Il n'y a rien qui est plus grand que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pour ça qu'en arabe, quand on dit quelque chose est grand, on dit kabir. Allah subhanahu wa ta'ala, kabir, walakin kadhalik huwa akbar. Il est plus grand, plus grand. Donc c'est pas la même chose quand tu dis que quelque chose est grand, puis quand tu dis qu'il est plus grand. Kabir, ça veut dire grand. Akbar, ça veut dire plus grand que tout. Il y a rien qui est plus grand que Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la chose. Hein? Et donc quand tu commences ta salat, tu dis Allahu Akbar. Ça veut dire peu importe la chose de la vie d'ici-bas qui te distrait, qui peut te préoccuper dans ton esprit ou dans ta vie ou dans tes choses, peu importe. Allah subhanahu wa ta'ala est plus important et plus grand que cette chose. Hein? Donc tu rejettes et tu remets toutes les autres choses en arrière. Hein? Tu enlèves toutes les autres préoccupations que tu peux avoir et tu te rappelles que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus important, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus grand, puisque c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui est le maître de tout. Donc ici Aïcha radiallahu anha, elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il débutait sa salat en faisant le takbir Allahu Akbar. Après, il récite Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire Surat Al-Fatiha. Puis, il dit que lorsqu'il fait le recours, lorsqu'il est en position inclinée, hein, il ne lève pas sa tête, hein, il ne redresse pas sa tête en la levant par en haut, et il ne la baisse pas non plus vers le bas, mais entre les deux. C'est-à-dire que sa tête, elle est, hein, égale avec le reste de son dos, à égalité avec son dos. Et elle n'est pas soulevée et elle n'est pas non plus penchée vers le bas. Elle est droite, sa tête avec le reste, comme le reste de son dos. Et elle dit par la suite que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il relevait sa tête de l'inclinaison, lorsqu'il est dans le recours, il relève sa tête, il ne se prosterne pas tant qu'il ne s'est pas redressé complètement debout. Hein? Donc, ça veut dire que lorsque tu es dans le recours, tu te relèves, tu ne dois pas commencer à te prosterner tant que tu ne te sois pas complètement redressé debout avant. Il ne relevait pas sa tête de la prosternation, hein? Ou plutôt lorsqu'il relevait sa tête dans la prosternation, il ne se reprosternait pas une deuxième fois avant de s'être redressé assis complètement. Donc c'est-à-dire qu'il se prosterne la première fois, hein, lorsqu'il est debout, il se prosterne une première fois, puis une fois qu'il s'est prosterné, il se rassoit et il reste assis jusqu'à ce que son dos soit redressé complètement. Et il se reprosterne une deuxième fois. D'accord? Parce qu'il y a des gens, parfois, ils font le sujoud avant de s'être redressés. Hein, ils ont à peine terminé de se relever la tête qu'ils sont déjà en train de se pencher pour se prosterner. Et il y en a d'autres, lorsqu'ils font la salat, lorsqu'ils font le sujoud, premier sujoud, ils se redressent juste un petit peu du sol. Puis déjà, il se repenche encore une deuxième fois pour faire la prosternation sans s'être redressé assis complètement. Donc ça, c'est des erreurs qui existent. Et Aïcha radiallahu anha, elle clarifie dans cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la salat, il ne faisait pas ces choses-là. Il se redressait complètement avant de faire le mouvement suivant. Il dit وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, entre chaque deux rak'at, chaque fois qu'il faisait deux rak'at, il faisait التَّحِيَّة. Donc il faisait التَّشَهُد, hein, le dua qu'on apprend entre chaque deux rak'at, on fait التَّشَهُد. التَّحِيَّةُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ إِلَى آخِرِهِ. Donc après, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'assoyait sur son pied gauche, hein, et son pied gauche est couché ou bien étendu sur le dos, sur le sol, et il s'assoit dessus, s'assoit sur son pied gauche, et pendant ce temps-là, sa jambe droite est pliée du côté droit de son corps, et ses orteils, hein, sont plantés, hein, pointant vers la Qibla, et dressés, son pied est dressé vers le haut. La semaine passée, j'ai envoyé la photo de la façon comment on doit s'asseoir durant la salat, hein, et j'ai envoyé la photo de Cheikh Ibn Uthaymeen, comment il a expliqué les différentes positions dans la salat, al-iftirash et al-tawarruk et al-iqa'a, et les différentes sortes de façons de s'asseoir qui sont également contraires à la sunna. Tout ça j'ai mentionné, d'accord, et j'ai essayé de clarifier ça du plus possible, surtout sur Twitter, des fois on peut pas tout détailler, mais bon, j'ai essayé de faire ça le plus résumé possible et le plus clair possible. Et donc al-iftirash, c'est ça que Aïcha radiallahu anha elle a décrit ici, c'est que le dessus du pied, il est allongé par terre, le pied gauche, et le pied droit est sur le côté droit du corps, et les orteils sont pointés vers le devant, vers la Qibla, tandis que le pied, lui, le bas du pied ou le dessous du pied pointe vers derrière, dans le sens contraire de la Qibla, et le pied lui-même, il est dressé comme s'il était un angle de 90 degrés par rapport aux orteils et par rapport au sol. Donc ça fait un angle perpendiculaire avec le sol. Donc ça c'est la position, et si vous retournez à la photo des positions de la salat, les positions des pieds dans la salat, dans la position assise, eh bien vous allez trouver les détails de ça. Ensuite, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait uqbat al-shaytan. Uqbat al-shaytan, on va voir qu'est-ce que ça veut dire uqbat al-shaytan. C'est en fait la position qu'on appelle al-iqa'a, qui est interdite. Hein? C'est-à-dire le fait de s'asseoir sur ses talons, alors que les pieds sont, le dessus des pieds sont sur le sol. Hein? Le dessus des pieds sur le sol et assis sur les talons, ça c'est la façon qu'on appelle al-iqa'a, et qui est interdite par contre. Parce que si c'est al-iqa'a, asseoir sur les talons, alors que les orteils sont pointés vers la Qibla entre deux prosternations, ça c'est permis, mais toutefois de s'asseoir sur les talons alors que le dessus des pieds est par terre, c'est ça qui est interdit. Et il interdisait également d'allonger les avant-bras sur le sol pendant la prosternation, hein, de la manière dont le font les bêtes sauvages, hein, les animaux sauvages comme les animaux de proie, hein, les chiens, les tigres, les lions, on les voit souvent comme ça allonger les avant-bras sur le sol. Ça c'est qu'est-ce qui est interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'allonger les avant-bras sur le sol. Donc il faut les soulever, et également de terminer la salat par le taslim, c'est-à-dire de dire assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc on va donc expliquer les détails de ça. Le Cheikh Al-Bassam rahimahullah, il dit al-ma'na al-ijmali tasifu Aisha radiyallahu anha بهذا الحديث الجليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ويفتتح القراءة بفاتحة الكتاب التي أولها الحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع بعد القيام لم يرفع رأسه ولم يخفضه، وإنما يجعله مستويا مستقيما. وكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفا قبل أن يسجد، وإذا ركع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. Donc on va traduire ça. Le cheikh il explique qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure, que Aïcha radiallahu anha, elle décrit donc la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle dit qu'il débutait sa salat par le takbir Allahu Akbar. C'était le takbiratul ihram qu'on appelle, on appelle ce takbir le premier dans la prière, on l'appelle takbiratul ihram. Hein? Pourquoi? Parce qu'on rentre dans cet état, hein, de prière, et les choses de la vie ordinaire qu'on fait d'habitude nous deviennent interdites maintenant à partir du moment qu'on commence la salat. Hein? Puisque là, on rentre dans un état spécial qui est réservé à la salat. Donc c'est sacré cette entrée dans la prière. C'est pour ça qu'on l'appelle takbiratul ihram. C'est comme l'ihram dans le hajj aussi, hein? On l'appelle ihram parce que quand on rentre dans l'ihram pour la umrah ou pour le hajj, eh bien on rentre dans un état de sacralité. Il y a des choses qui ne sont plus licites, qui sont des choses permises habituellement, mais dans cette situation-là, dans cet état-là, elles ne peuvent plus être faites. Ça, c'est pour dire que c'est une situation qui est différente des autres, puisque c'est un état dans lequel on est dans une adoration. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle takbiratul ihram. Donc, on dit Allahu Akbar, et on débute par la suite la récitation de la sourate qu'on appelle la Fatiha. C'est l'ouverture du Coran, l'ouverture du livre. Il y a d'autres narrations qui vont mentionner aussi le dua al-istiftah. Ça, on va le mentionner. Il y a d'autres hadiths qui mentionnent cette partie-là. Mais c'est pour dire que parfois certains sahaba ou certaines sahabiyat ou certaines des mères des croyants, quand elles décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles mentionnent les choses les plus importantes, ou bien elles mentionnent des choses sur lesquelles elles veulent mettre plus d'importance. Toutefois, il faut regarder tous les hadiths ensemble qui décrivent l'exemple de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir une image complète. Hein. Et c'est pour ça que le livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un livre qui est très intéressant justement parce que il ramène les différentes choses qui ont été rapportées, des différents hadiths et les différentes narrations qui clarifient comment faire la salat du début jusqu'à la fin. Donc il y a beaucoup de hadiths qui décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parfois certains hadiths disons mentionnent certains détails tandis que ils ne mentionnent pas d'autres, hein, et c'est pour ça que il faut toujours regarder les hadiths ensemble pour compléter justement la description complète de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat. Donc ici il n'y a pas la mention de dua al-istiftah, mais c'est mentionné dans d'autres hadiths mentionnés par d'autres parmi les compagnons. Et يعني يفتتح القراءة بفاتحة الكتاب التي أولها الحمد لله رب العالمين. Donc elle mentionne que on commence la Fatiha par Alhamdulillah. Et il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se relevait du recours, lorsqu'il était plutôt dans le recours, il ne soulevait pas sa tête pour la redresser vers le haut, et il ne la penchait pas non plus vers le bas, mais il la gardait droite, hein, à égalité avec le reste de son dos. Donc ça, c'est lorsque tu es dans le recours, parce qu'il y a des gens comme ça, quand ils font le recours, des fois ils lèvent la tête par en haut ou bien ils la penchent par en bas, et ça, c'est contraire à la sunna. Après, le cheikh il explique et il dit que lorsque tu te relèves du recours, eh bien, tu ne dois pas te prosterner, descendre pour te prosterner, avant de t'être redressé complètement. Et lorsque tu t'es relevé la tête de la prosternation pendant que tu fais le sujoud, eh bien tu dois te redresser complètement assis avant de te reprosterner une seconde fois. Après, le cheikh il dit: « Wa kana yaqulu ba'da kulli rak'atayn idha jalasa at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat ila akhirih. Wa kana idha jalasa iftarasha rijlahu al-yusra wa jalasa 'alayha wa nasaba rijlahu al-yumna. » Donc le cheikh explique que après chaque couple de rak'a, chaque deux rak'at, tu dois réciter at-tahiyya. At-tahiyyatu lillah was-salawatu at-tayyibat. Donc si c'est une prière qui a deux rak'a, tu vas réciter at-tahiyya une fois. Si c'est une prière qui a trois rak'a, tu vas faire at-tahiyya deux fois. Et si c'est une prière qui a quatre rak'a, tu vas réciter at-tahiyya deux fois, parce que c'est deux rak'a. Hein? Na'am. Exception, c'est juste pour le maghrib, parce qu'il y a trois rak'at, donc tu vas faire deux rak'at, puis la troisième tu vas le faire encore, le tahiyya, parce que le maghrib il est composé de trois rak'at. Et elle dit ensuite que lorsque tu fais le tashahhud, tu vas t'asseoir sur ton pied gauche, le dessus du pied, ou bien, comment je pourrais dire, le côté gauche du pied gauche, le côté gauche du pied gauche, ou bien le dessus du côté gauche du pied gauche, il va être allongé sur le sol. Hein? Et la personne, elle s'assoit sur le côté gauche, sur le côté droit de son pied. Hein? Donc le pied, il est comme, il est sur le côté, et tu t'assois sur le côté droit de ton pied, et le côté gauche de ton pied gauche, il est sur le sol, le dessus. Et ta jambe droite, elle est pliée, et ton pied droit, il sort sur le côté droit, et il est planté dans le sol. Hein? Les orteils vers le devant, et le pied dressé. Le pied fait un angle droit avec le sol. Naam. Donc, ensuite, ça c'est la position, cette position-là dans la façon de s'asseoir, ça s'appelle al-iftirash. Al-iftirash. Et il dit wa kama iftataha as-salah bita'zim. Ah oui, c'est ça. J'ai oublié une partie. Il dit wa kana yanha an yajlis al-musalli fi salatihi ka julus ash-shaytan. Wa dhalika an yufrisha qadamayhi 'ala al-ard ويجلس على عقبيه أو ينصب قدميه ثم يضع إليتيه بينهما على الأرض كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود كافتراش السبع. Donc ici le cheikh il explique d'autres exemples de façons de s'asseoir qui sont contraires à la sunna. Et on les voit, ces exemples-là, dans les dessins que j'ai envoyés, les exemples que j'ai envoyés sur Twitter, sur le post sur Twitter, les positions assises qui sont en contradiction avec la sunna. Et le cheikh, il en décrit quelques-unes. Il donne l'exemple qu'il dit qu'il est interdit pour la personne qui fait la salat de s'asseoir comme le shaitan durant sa salat. Puis il décrit quelques exemples. Il dit par exemple d'allonger le dessus des pieds sur le sol et de s'asseoir sur les talons. Donc tu t'assois sur tes talons, hein, si tu t'assois sur tes talons et que tu mets le dessus de tes pieds allongé sur le sol, ça c'est une des façons qui est interdite, qu'on appelle al-iqa'a, hein, et ça c'est interdit. Et il y a un autre exemple qui est mentionné ici, il dit c'est également de dresser les pieds, c'est-à-dire de pas les allonger de pas allonger le dessus des pieds sur le sol, mais de les dresser, hein, de les dresser. Certains ulama, la plupart des ulama, ils considèrent que cette forme de iqa'a, elle est interdite. Toutefois, il y a un hadith qui mentionne que c'est permis, d'accord, et tant que les orteils sont pointés vers la qibla, et de s'asseoir de cette façon-là sur les talons entre deux prosternations, c'est rapporté dans la sunna. Hein? Toutefois, en dehors de ça, hein, c'est contraire à la sunna. Hein? Et après, il explique que également de s'asseoir avec les deux pieds qui dépassent de chaque côté, le côté gauche et le côté droit, écartés, yani, alors que yani, la personne, elle s'assoit les deux jambes pliées et le pied droit à droite et le pied gauche qui dépasse à gauche, hein, le pied droit qui dépasse à droite, le pied gauche qui dépasse à gauche, soit allongé, le dessus des pieds allongé sur le sol, et les deux fesses qui touchent par terre. Hein, c'est-à-dire que tu t'assois pas du tout sur tes pieds, tu t'assois directement par terre et tes deux pieds sont de chaque côté de ton corps pendant que tes deux fesses touchent le sol. Cette façon de s'asseoir aussi, c'est interdit. C'est une forme de iqa'a aussi qui est mentionnée parmi les formes de interdites de s'asseoir. Et bien entendu aussi, la question de la façon de s'asseoir, c'est important de mentionner que c'est important de mentionner aussi que certaines personnes, ils peuvent avoir parfois des difficultés à s'asseoir d'une certaine façon, hein, ou de s'asseoir de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans le hadith, ou la façon dont les sahabas l'ont décrit. Pourquoi? Parce que parfois certaines personnes, pour eux physiquement, c'est pas possible. Hein, puisque par exemple leur pied est fait d'une façon qui fait qu'ils ne sont pas capables d'adopter cette position-là. Hein, même s'ils essaient très longtemps de le faire, mais ils n'y arrivent pas. La même chose aussi pour des gens parfois qui viennent de se convertir alors qu'ils sont plus âgés. Des fois c'est plus difficile pour eux de le faire parce que ils n'ont pas été habitués à le faire depuis l'enfance. Donc pour eux d'adopter cette position là c'est plus difficile, ça leur demande plus d'efforts et c'est douloureux au début. Donc dans des situations comme ça, c'est sûr que c'est pas quelque chose de facile. Donc c'est sûr que si la personne elle endure un peu pendant quelque temps, après habituellement 2 semaines, ça devient normal. Après 2 semaines environ, ça devient normal. Toutefois, si la personne n'est vraiment pas capable, peu importe qu'est-ce qu'elle essaie, alors elle fait ce qu'elle peut. Et ça, il n'y a pas de blâme dans ce cas-là. Hein? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Donc, ensuite, le cheikh explique que, donc, il dit وكما افتتح الصلاة بتعظيم الله وتكبيره ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين ثم على جميع عباد الله الصالحين الأولين والآخرين فعلى المصلي ملاحظة هذا العموم في دعائه. Et il dit que la même manière que la salat elle a été débutée et ouverte par la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'exaltation d'Allah par le takbir, le fait de mentionner que Allah est plus grand, hein, est plus grand que toute chose, eh bien, il termine et clôture sa prière par la demande de la paix pour les anges et pour les gens qui prient avec lui. Et pour tous les serviteurs d'Allah, parmi les pieux et les vertueux, parmi les premiers et les derniers. Et donc, lorsque la personne qui termine sa prière, elle termine sa prière en disant ça, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, eh bien, elle doit tenir compte de ça. Elle doit tenir compte de ce sens général lorsqu'elle le dit. Hein. Et le cheikh, il mentionne une petite observation ici, il dit, Mulahaza, الحديث رقم 80 لم يخرجه إلا مسلم فقط وله علة وهي أنه أتى من طريق أبي الجوزاء عن عائشة وأبو الجوزاء لم يسمع عن عائشة وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأوزاعي مكاتبة لا سماعا. Donc ça c'est une petite observation que le cheikh il a mentionné à propos de ce hadith. Il dit qu'il n'a été rapporté que par muslim seulement. Et il y a un petit défaut dans cette chaîne de transmission de ce hadith. C'est le fait qu'il a été transmis par Abul Jawza selon Aisha radiallahu anha. Toutefois, Abul Jawza, il n'a pas entendu de Aisha radiallahu anha directement, et ça c'est rapporté par Muslim également par une autre narration qui est celle de Al-Awza'i. Toutefois c'était par écrit et non entendu, non par le fait de l'avoir entendu, c'était rapporté par écrit. Naam. Donc ça c'était juste une note, un point intéressant, un point bénéfique à connaître à propos de ce hadith. Gharib al-hadith, les paroles ou les vocabulaires, les expressions qui sont moins connues dans ce hadith-là. Il dit, par exemple, bilhamdu. Hein? Dans le hadith, Aisha radiallahu anha, elle dit, wal qira'atu bi alhamdulillahi. Et on sait que le cheikh il dit, al-raf'u ala al-hikaya. Donc on sait que al-ba dans la langue arabe c'est un harf jar, et que qu'est-ce qui vient après en d'habitude c'est majrour, c'est-à-dire ça prend une kasra ou un des signes qui remplace la kasra dans les signes secondaires. Toutefois ici c'est différent. Pourquoi on dit bilhamdulillahi? Parce que ici c'est elle mentionne le verset. Donc c'est étant donné qu'elle fait juste dire يعني يقرأ بي الحمد لله. Elle va pas dire يقرأ بي الحمد لله. Pourquoi? Parce que elle n'est pas en train de dire quelque chose. Elle cite quelque chose et donc elle le laisse tel quel, comme c'est dans la récitation. Ensuite, il dit lam yushris, lam yushris bi dam al ya wa iskan al shin al mu'jama thumma kasr al kha al mu'jama thumma sad muhmala ay lam yarfa'hu wa minhu al shakhis lil murtafi'. Donc ici lam yushris, dans le hadith, elle mentionne le fait que quand on est dans le recours, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le recours, il n'élevait pas sa tête et il ne redressait pas sa tête. Ici, c'est dans le sens de baisser sa tête ou de pencher vers le bas, et il ne l'élève pas non plus. Hein? Lam yushris, c'est-à-dire il l'élève pas. Donc c'est ça. Avec le ya, il y a un dhamma dessus, et le shin. Hein, le shin, c'est une seconde par dessus. Donc ici, souvent vous allez lire dans les livres comme ça, il y a la description des harakat dans le mot. Comme ici par exemple, lam yushris. Donc il dit. Il donne les harakats. Pourquoi? Parce que en général, avant, ils écrivaient pas les harakats dans les livres. Les gens connaissaient soit l'i'rab du mot, ou bien soit ils le lisaient à un cheikh pour que le cheikh leur donne l'i'rab et le dhabt du mot pour qu'ils sachent comment l'écrire comme il faut, comment le prononcer comme il faut. Toutefois, des fois, dans les shurouh comme ça, dans les livres, les ulama, ils vont le citer. Ils vont citer le dhabt pour que la personne qui yani le lit soit capable de savoir la lecture exacte du verbe ou du mot. Hein? Et donc ici, ils disent « bidham al-ya ». Donc ici, tu sais que sur le « ya », hein, il y a une « dhamma ». Et il dit « iskan ushin al-mu'jama ». Et ici, quelqu'un pourrait poser la question comme « pourquoi il dit « ashin al-mu'jama » ?» Pourquoi il ne dit pas « iskan ushin » tout court ? Et ici, il semble que c'est parce que, en réalité, la différence entre Ashin et Assin, c'est les trois points. Donc, si les trois points sont effacés, par exemple, comment quelqu'un va savoir qu'il s'agit ici du Shin et non du Sin? Eh bien, le fait de dire Al-Mu'jama, hein, ça va nous faire savoir qu'il ne s'agit pas de Assin, mais de Ashin. Ça veut dire qu'il y a des points dessus. La même chose pour le kha, hein, il dit wa kasr al kha. Donc, il faut mettre une kasra sous le kha al mu'jama. Hein? Donc al mu'jama, ça veut dire qu'il y a un point dessus. Pourquoi? Parce que le ha et le kha, c'est la même forme. Comme le sin et le shin, c'est la même forme. Donc s'il n'y a pas les points dessus, tu pourrais te confondre entre le shin et le sin, et tu pourrais confondre entre le kha et le ha. Mais le fait de dire al-mu'jama, ça veut dire comme si que c'est la forme de cette lettre, celle qui a un point par-dessus. Hein? Tu mets une kasra. Donc en même temps, ça clarifie non seulement qu'il y a une kasra, mais en même temps qu'il y a un point dessus. Puis ici, après, il dit ثم الصاد المهملة ou bien صاد مهملة. Eh bien مهملة, ça veut dire qu'il n'y a pas de point dessus. مهملة, ça veut dire, parce que vous savez que le صاد et le ضاد, c'est la même forme, excepté que le ضاد il y a un point et le صاد il n'y a pas de point. Donc le fait de dire ثم الصاد مهملة, ça veut dire que c'est-à-dire que si par exemple, sans faire exprès, quelqu'un aurait mis un point sur le sad, hein, on aurait su que c'était une erreur, parce que le fait de dire par la suite qu'il est muhmala, eh bien c'est clair qu'on ne parle pas du dad, mais du sad. Hein. Donc tout ça, c'est des choses qui facilitent la lecture, et qui facilitent aussi la prononciation exacte des lettres. Et il dit voilà, ay lam yarfa'hu wa minhu ash-shakhisu للمرتفع. Donc il dit لم يشخص, il n'élève pas sa tête, il soulève pas sa tête pendant qu'il est dans le recours. Et on dit à propos de la personne qui est élevée, الشخص, hein, élevé. Après il dit ولم يصوبه, hein, ولم يصوبه, يعني أي لم يخفضه خفضا بليغا. Donc ici c'est بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة. أي لم يخفضه خفضا أو خفضا بليغا. Ici il explique également le fait qu'on ne doit pas baisser la tête pendant le recours non plus. Donc on ne doit pas l'élever, on ne doit pas la baisser. Et ici il explique le dhabt du verbe lam yusawwib ici, et il mentionne le dhamma sur le ya et al fatha sur le sad, et il clarifie que c'est le sad al muhmala, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point dessus, donc c'est pas un dad. Et kasr al waw, hein, le fait qu'il y a une kasra sur le waw, et il mentionne en même temps qu'il y a une shadda dessus, al mushaddada. Hein, en disant al-mushaddada, ça veut dire qu'il y a une shadda sur ce waw. Et puis le ba, eh bien, on sait qu'il y a une soukoun. Pourquoi? Parce qu'il y a le lam devant. Et lam ici, ça fait partie des jawazim, التي تجزم الحروف التي تجزم الفعل. Donc elle rend le verbe majzoum. Donc il va prendre une soukoun. Naam. Donc ça c'est plus des trucs de grammaire. Et ici après il dit, elle dit ensuite dans, il explique ensuite l'autre mot par la suite, wa kana yufrishu bi dhamm ar-ra wa kasriha wa ad-dhamm ashhar. Donc ici il explique que le ra dans yufrishu, hein, yufrishu, tu peux dire yufrishu, hein, parce qu'il dit bi dhamm ar-ra, hein, donc bi dhamm ar-ra wa kasriha. Donc yufrishu, ça c'est une façon de le dire. Puis elle, on peut aussi dire yafrishu, on peut dire, pardon, yafrishu, yafrishu ou yafrushu, on peut dire les deux, c'est ça. Donc on peut dire yafrishu, on peut dire yufrishu, on peut dire yafrishu, puis on peut dire yafrushu avec la dhamma et avec la kasra. On peut le dire les deux, sauf que avec ad-dhamma c'est plus célèbre, c'est plus connu. Donc c'est yafrushu qui est le plus connu, yafrushu, et on peut dire yafrishu, les deux sont corrects. Après il dit wa uqba, hein, uqbatu shaytan dans le hadith, bi dhamm al-ayn fassarahu Abu Ubayd wa ghayrihi, fassarahu Abu Ubayd wa ghayruhu bil iqa'a al-manhi anhu. Donc uqba, ici on parle, hein, le fait de s'asseoir sur les talons, hein, et c'est, ça s'écrit avec une dhamma sur la ayn, uqba, et ça a été expliqué par Abu Ubayd et d'autres également comme étant al-iqa'a, al-iqa'a qui est interdit. Al-iqa'a, ça s'écrit avec la kasra sur le alif, après ça il y a un qaf, hein, un qaf avec une soukoun, iqa'a, et le ayn avec une fatha suivi d'un alif et d'une hamza, une hamza par la suite. Donc al-iqa'a, iqa'a, donc c'est ça, al-iqa'a bil-iqa'a il-manhi anhu. Donc ça c'est ce qui est pour ce qui a des ce qui est relié à l'explication des termes dans le hadith qui sont, yani, moins habituels ou peu entendus. On a des expressions qu'on entend moins souvent. Donc c'est clarifié ici. Après il reste à expliquer deux choses. Les règles de ce hadith, et le cheikh il en a mentionné 11, et ensuite il reste à mentionner également la question des divergences entre les ulama, et dans ce hadith là il y a beaucoup de détails qui ont été mentionnés au sujet des divergences sur ce hadith. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser ça pour le prochain cours. On va expliquer ces choses-là pour le prochain cours. Naam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.